Bana Paris, bana London, Bruxelles, Mokili, Mobimba, Boyoka, Ebiso, Ekran Musique, La Différence. We'll be right back. Est-ce que yo qui va s'en